Je reçois Rick Mialou cette semaine parce que la semaine dernière, Rick, on avait effleuré au passage de la discussion les proposés aux bénéficiaires. On va en parler plus en détail. On va aussi essayer de savoir pourquoi, après qu'on ait postulé pour un emploi dans une entreprise, on ne nous rappelle pas. Oui. Rick Mialou du Centre de recherche d'emploi de Penetang, salut. Salut, JP. Comment ça va? Super bien. Aujourd'hui, on va aborder deux sujets. Ouais. Ce qu'on fait pas d'habitude, mm-hmm. mais on va amener les préposés aux bénéficiaires parce que dans notre société aujourd'hui, mm-hmm. on vieillit beaucoup plus vite ouais. qu'avant parce que par le passé, on faisait plus d'enfants et maintenant, on en fait moins. Exactement. Ça va prendre aussi des gens dévoués parce que présentement, c'est pas tout le temps ce qu'on a. C'est difficile de recruter des préposés aux bénéficiaires. Exactement. Et surtout que des fois, les conditions de travail qu'ils ont ne sont pas vraiment idéales. Donc, même si t'en as qui commencent dans ce domaine, mais des fois, ils vont pas toffer, au fait. Donc, ils vont aller ailleurs. Donc, y en a qui ont... je me rappelle d'une personne qu'on avait vue qui voulait changer de carrière parce que à cause des maux de dos et tout ça. Donc, des fois, les conditions de travail ne vont pas forcément pousser ces gens à rester longtemps dans ce domaine. Il faut le dire, c'est difficile de s'occuper de personnes âgées à tous les jours. Des Exactement. Fois, on n'a pas toujours ce qu'on a de besoin pour les lever. Il faut forcer. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui vont se blesser. C'est ça. C'est à ce moment-là qu'on se dit, qu'est-ce que le gouvernement ou les mm-hmm. employeurs font pour aider ces gens-là à vouloir rester? Oui, c'est sûr qu'ils continuent à développer des stratégies totalement différentes pour encourager ces gens à rester. Donc, tel que là, on a un employeur qu'on a rencontré cette semaine qui est venu au centre d'emploi pour nous parler des postes qu'ils ont. Évidemment, ils essaient d'améliorer la manière de faire les choses parce que, évidemment, les PSW, des fois, ils ont plusieurs défis, donc comme se déplacer d'un endroit à un autre. S'il y en a qui écoutent présentement et qui connaissent domaine-là, ben évidemment, ça c'est une des choses qui part souvent le transport. Donc, être capable de quitter de Aurélia à aller à Angus, par exemple, parce que le prochain poste est là-bas, donc on parle d'une heure de transport et tout ça. C'est pas des fois évident. Donc oui, chacun des employeurs, ils essaient évidemment de contrer un peu les inconvénients qu'ils ont avec ces postes-là. Donc oui. Mm-hmm. Mais moi, tranquillement, pas vite, j'avance en âge. On dira pas que j'ai un âge vénérable, mais mes parents, un jour, dans peut-être 15-20 ans, vont être rendus là. Okay. Et je regarde ça présentement mm-hmm. par rapport un peu dans toutes les provinces. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Oui. Et la population vieillit de plus en plus. De plus en plus, exactement. J'ai un petit peu peur pour mes parents, puis peut-être pour les tiens aussi, pour les mm-hmm. gens qui nous écoutent, parce mm-hmm. qu'un jour, va falloir quelqu'un pour s'occuper d'eux autres et on va peut-être revenir au temps avant ouais. quand les parents habitaient avec leurs avec enfants. Avec les enfants, oui, exactement. C'est ce que je me dis. Là. Ça, on va peut-être arriver à ça. Ce sont des valeurs très africaines, ça. Ah, oui, vous étiez comme ça, vous autres, dans votre exactement. Coin de pays. Oui, exactement. Ça marche, c'est facile. En tout cas, ça coûte pas cher. Ça prend évidemment quelqu'un pour... Ça coûte pour pas cher de la gardienne. Hein? Non, exactement. C'est ça. Là, parce que c'est l'avantage. C'est vraiment l'avantage. Effectivement, comparé à je ne sais pas combien, 2 500, 3 000 $ qu'il faut investir à quelqu'un d'autre par mois pour prendre soin de ses parents, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Donc oui, chacun des employeurs, ils essaient de trouver des manières pour contrecarrer les inconvénients qu'il y a avec ce poste. Donc comme on parlait de ça la semaine passée, ben on disait ça, ce sont des domaines là où ils engagent. C'est dans le comté ici, c'est présentement ici en demande. Il y a beaucoup de personnes au fait qui s'engagent à travailler comme infirmier et tout ça, qui peut faire du PSW aussi. Donc ça leur permet d'avoir des heures de travail ou de l'expérience. Mais qu'est-ce qui fait que les employeurs vont être capables d'inciter les gens à y aller quand on sait que les travailleurs veulent pas tant que ça aller travailler comme mm-hmm. préposé aux bénéficiaires? Il doit avoir quelque mm-hmm. chose à faire pour les employeurs. Évidemment. Donc, tel des que... incitatifs, là? Oui, l'employeur que nous avons présentement a un incitatif dans le fonds d'emploi. Donc, d'une certaine manière, quand vous commencez à travailler avec eux, ils vous donnent un certain bonus. Pour aller dans les détails de combien, venez nous voir au CRE, évidemment. Mais c'est ça, ils donnent des bonus de référence. Quand vous référez une autre personne ou bien, tout simplement, quand vous travaillez avec eux, ils vous donnent un certain montant, ça peut aller jusqu'à 500 $ pour commencer et puis 6 mois plus tard un autre 500 $. Donc ça c'est intéressant, ça motive les gens à rester, à garder leur emploi. C'est des fonds que les employeurs utilisent eux-mêmes, c'est pas des fonds qui viennent du gouvernement okay, ou quoi c'est que pas ce gouvernemental. Soit. Non, c'est vraiment ça c'est une entreprise privée qui décide de faire cela. quand aussi on a de la misère à trouver un emploi, des fois, c'est peut-être parce que on va faire le tour et on amène peut-être un CV qui est désuet. Et après 10, 15, 20 fois, exact, on n'a pas d'appel, ça peut être décevant. Qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, oui, c'est sûr que tu le dis. On se pose des questions, on se demande... Moi, c'est-tu l'employeur? C'est ça, je suis sur le marché du travail, je fais ma recherche d'emploi, je veux trouver une job, je suis pressé, j'ai des factures à payer, Noël s'en vient bientôt, donc il y a certaines dépenses qui doivent être faites, mais j'essaye partout, mais ça ne marche pas. C'est quoi la solution? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Moi, je me rappelle d'un de mes amis, Cédric. Un matin, il s'est levé, il s'est dit, je prends ma pile de CV, puis je pars. OK. On regarde pas, on part sur un nowhere, on distribue. C'est la distribution des cadeaux de Noël, c'est exactement. Les CV. Je te le dis tout de suite. Après deux semaines, il n'y a pas eu un appel. Voilà. Exactement, ça c'est un des problèmes qu'il y a, parce que la majorité des gens, ce qu'ils font effectivement, comme ils jouent au Père Noël d'une certaine manière, ils vont distribuer leur CV à tout le monde, donc on se dit déjà que ce CV-là il est général, donc il va avoir des informations générales. Il est général, donc, il n'est pas génial. Non, exactement, là. Donc c'est ça qu'on veut en parler, donc pourquoi est-ce que les employeurs ne vous rappellent pas, et une des raisons effectivement c'est à cause du fait que vous ne vous ciblez pas, au fait il n'y a pas de cible, les employeurs ne sont pas ciblés. Pourquoi est-ce que c'est important de cibler les employeurs? Parce que quand on cible un employeur, automatiquement, on devient plus efficace. La manière qu'on connaît, c'était la manière d'avoir sans CV, aller voir sans employeur, leur déposer des CV, espérant qu'un d'eux au moins va rappeler. On se dit que la quantité, ça va finir par revenir de notre bord. Non, c'est pas comme c'est un effet boomerang. Exactement. Peu, dans la recherche d'emploi, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Right? Donc, évidemment, donc, la manière la plus efficace pour trouver la bonne opportunité, c'est de cibler des employeurs. Pas un employeur en particulier, mais cibler des employeurs. Trouver l'employeur idéal. Cibler l'employeur idéal en répondant à certaines questions. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous-même, en tant que personne? Qu'est-ce qui s'aligne à vos passions? Quel est l'employeur qui s'aligne à mes passions? Par exemple, si je veux travailler en pâtisserie, par exemple, donc, évidemment, je ne vais pas aller en manufacture. Je ne vais pas aller dans ce domaine-là. Je vais rester dans tous les employeurs qui font de la pâtisserie, donc boulangerie, restaurant, donc tous ces domaines-là, il faut les cibler. Si tu as travaillé dans plusieurs domaines, faut que tu rétrécisses un peu dans chaque endroit où c'est que tu veux travailler. Si tu as travaillé dans des usines, tu vas enlever où tu as été livreur de pizza ou cuisinier et vice-versa pour chaque type d'emploi dans les secteurs différents. C'est ça. Là, tu commences à parler du CV, effectivement. Donc, si on parle du CV, quand on met son expérience de travail sur le CV, évidemment, il faut éviter de tout mettre. Parce que, encore, ça, c'est la preuve que vous ne ciblez pas. À partir du moment qu'on met trop d'informations sur le CV, donc là, on a un problème d'un CV qui est trop lent. Sais-tu, quand tu me parles de ça, j'ai l'impression que c'est comme une giblotte qu'on fait. Hein? Oui, ben c'est ça. La majorité du monde, ils sont ça et ils essaient de s'en sortir par eux-mêmes. C'est à cause de ça qu'on existe comme service d'emploi. C'est pour s'assurer de donner la bonne information aux chercheurs d'emploi pour qu'ils aient de meilleures chances d'être rappelés. T'sais, on ne veut pas que notre monde, nos clients, en fait, ou les personnes que nous aidons dans la communauté, puissent se retrouver dans des situations là, ce qui, après un mois, ils continuent à espérer que quelqu'un va les appeler. Là. Donc, non, on veut vous mettre dans une meilleure position. Au lieu d'espérer que quelqu'un vous appelle, on aimerait plutôt changer cette donne-là, que ce soit vraiment une recherche d'emploi un peu plus fructueuse que de rester assis à attendre à se faire appeler. Là. Donc oui, en parlant du CV, là, donc, il faut éviter que le CV soit général. Il faut éviter que le CV puisse rassembler toutes les informations de son expérience de travail des 13 dernières années, par exemple. C'est-tu ce que j'avais vu? Moi, j'ai déjà eu un beau-père qui a eu plusieurs emplois là, très rapidement dans quelques mois. Et après 5-6, il avait été rendu à 55 ans. Il était rendu qu'il avait 4 pages, puis il allait porter ça. Après ça, je me demandais pourquoi ça ne rappelait pas souvent. Exactement. Non. On a la réponse maintenant. On a la réponse, exactement. À 4 pages, ça devient un peu trop. Moi, je me rappelle, durant mes premières expériences d'entrevue, il y avait une question qu'on m'avait conseillé de toujours poser aux employeurs. Chaque fois que tu vas dans cette rencontre-là, pose-leur une question. À la fin, quand ils demandent, est-ce que vous avez des questions pour nous, monsieur? Donc, ma réponse à moi, c'était oui, j'ai une question. C'est qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comment est-ce que je peux être un atout pour votre votre compagnie, pour votre entreprise? C'est une bonne question à poser. Il faut comprendre que la game a changé. Ça, c'était dans le passé. Ça, c'était avant. La game a changé. Mon CV doit s'adresser à l'employeur en lui disant automatiquement comment est-ce que moi, je peux être un atout pour vous. Donc, faut pas attendre l'entrevue, parce que rappelons-nous qu'il y a une forte chance qu'en regardant votre CV, qu'un employeur dise non, je vais pas appeler cette personne pour une entrevue. Faut que tu leur tapes à l'œil tout de suite, à la seconde où qu'ils regardent ton CV. Exactement. Pour avoir une chance d'être rappelé. Exactement, parce que vous n'êtes pas le seul candidat qui a postulé. Il y a plein d'autres personnes qui ont postulé et ces CV qu'ils ont en face d'eux, ils doivent avoir un CV qui doit leur dire « Ok, j'ai envie de rappeler cette personne ». Si votre CV fait partie des personnes qui ne veulent pas du tout rappeler, évidemment, vous n'allez jamais être rappelé. Et ce n'est pas ce qu'on veut. On veut être rappelé. Mais c'est fou quand même. Quand on dit qu'il y a une pénurie d'employés que les employeurs recherchent, ils ont encore le droit de fouiller puis d'attendre, garder leur usine moitié de la capacité. Exactement, parce qu'une des choses que je voulais dire, c'est que les employeurs, engager une nouvelle personne, c'est un risque. C'est un très grand risque d'engager une personne. Donc, parce qu'on ne sait pas dans quoi on s'engage. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a en face de nous, combien de temps cette personne va rester avec nous, qu'est-ce que cette personne va apporter. Est-ce que c'est un problème qu'on va avoir ou c'est une solution qu'il va apporter dans mon entreprise? Écoute, Rick, si on ramène ça aux relations de couple, là, toutes les fois, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas retrouver dans le cadeau. Là. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Mais concernant les employeurs, c'est à cause de ça qu'ils essaient de gérer les risques. Donc, en s'assurant que le CV déjà parle très bien, en s'assurant que tout sur cette personne-là nous parle déjà bien. Donc, c'est là que, à part du CV qu'on allait ajouter, on pouvait parler de la présence sur les médias sociaux, par exemple. Quand on parle de la présence sur les médias sociaux, pourquoi c'est important d'avoir une bonne présence sur les médias sociaux? C'est parce que les employeurs, ils vont vérifier. 93% des employeurs, au fait, vont faire cette vérification. Beaucoup. Exactement. Ils vont voir qu'est-ce que vous avez sur les médias sociaux, parce que ça parle. Ça parle pour vous, les photos dans lesquels vous êtes tagué, ça dit tout quasiment sur vous. Là. Rick, je pense qu'on pourrait continuer là-dessus. Je pense qu'on va essayer de faire une chronique seulement sur les médias sociaux ça et LinkedIn. Ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Rick Mialou du Centre de recherche d'emploi de Penetang, je te remercie. Merci à on toi. Peut vous rejoindre à lacly.ca au 549-5227 ou au 2 rue Pointe à Penetang. Exactement. Merci beaucoup. Je te remercie.